Tu es comme le brouillard, tu es là, je te vois, mais je ne peux pas te toucher. Tu me regardes avec tes yeux brumeux, je t'embrasse tous les matins, mais tes lèvres me paralysent, elles sont froides, elles me glacent, me terrifient. Et tes yeux me déshabillent, je rougis, mais tu restes une froideur âcre, je pleure. Là tu apparais sous ta beauté au grand soleil, un soleil qui se confond en toi, un soleil qui lui a mis le feu. Et là, alors, je me retrouve au pays des merveilles.